fils, t'as Nice et mon glace-glace. Je chaîne au moins 6 miss, t'inquiète pas, je suis glace-glace. Au boss, au gosse, au cœur de glace-glace. De voir tous ces rigolos qui flambent sur la piste et qui se prennent pour des gigolos. En train de kiffer sur mon joli polo, pendant que je piaffe comme un piccolo. La place est espacée pour qu'on nous laisse passer. Des goûts, il en reste assez pour ceux qui allaient se casser. Touché à la cam, ça non, même pour une caille canon. J'suis le chéri de ces dames, la foule m'acclame, tout le monde crie mon nom. Plus mignon, je vaux des millions dans la boîte en mission, tout le monde à l'unisson. Alors DJ monte le son, je sens monter la tension. Car quand je danse, je suis excellent. Appelle-moi son excellence par état. Et peut-être qu'un jour quelqu'un m'arrêtera. Fata clique est là, lève les mains en l'air. Si ça tripe cousin, resserre-nous un verre. On a le savoir-faire, bouge ton derrière. Bousez vos gondas. Fata clique est là, lève les mains en l'air. Si ça tripe cousin, resserre-nous un verre. On a le savoir-faire, bouge ton derrière. Bousez vos gondas. Je me présente chérie, mon nom c'est Asta. On fait des cochonneries et je te dis basta. Que toutes les Kaira lève la main en l'air. Que toutes les belles go bouge leur derrière. C'est pour les femmes et les femmes, y'a pas de barrière. Fata clique est là, sur mes arrières. Dans la boîte mon frère, tout le monde est pété au sky. Monte le son à fond si tu veux péter les cailles. Maintenant t'es en sueur, tellement que tu danses sous la lueur. Des spots grâce à ce son de tueur qui dit sous les bourres les négros. Soirée funky pour les rapza et pour les négros. Qui kiffe bourré d'ego. Les jeunes sont répartis debout dans cette partie. Le DJ mal au sein de notre son et là c'est reparti. Rentrer à la cité franchement c'est pas le moment. Si l'ambiance est bonne, les têtes se déroulent calmement. Fata clique est là, lève les mains en l'air. Si ça tripe cousin, resserre-nous un verre. On a le savoir-faire, bouge ton derrière. Bousez vos gondas. Fata clique est là, lève les mains en l'air. Si ça tripe cousin, resserre-nous un verre. On a le savoir-faire, bouge ton derrière. Bousez vos gondas. J'amasse des tonnes de téléphones, arrête à tes tonnes. Si la musique est bonne, t'étonnes pas si je cartonne. Affranchi comme Capone, non faut pas que tu déconnes. Car comme Biggie, je suis renommé. Barrette ainsi, je suis dénommé. Comme toujours, j'arrive à point nommé. On va se la donner, dans la foule, on va slalomer. Nos rivaux, on va les dégommer. Fatal click, sois pas étonné. J'vois par-ci par-là, y'a des raps à Kehla. Pour tous mes scarla, Fatal click est là. Pour faire bouger les bondas, ouais vas-y bébé. La soirée est bombée, ce soir c'est hoche. Faut que ça bouge à gauche, monte les kilos. Faut que ça bouge à droite, l'ambiance est chaude. Pas besoin de chichons pour danser. Juste des bonichons et la soirée est lancée. Fata clique est là, lève les mains en l'air. Si ça tripe cousin, resserre-nous un verre. On a le savoir-faire, bouge ton derrière. Bousez vos gondas. Fata clique est là, lève les mains en l'air. Si ça tripe cousin, resserre-nous un verre. On a le savoir-faire, bouge ton derrière. Bousez vos gondas.